Laissez-moi foutre mon petit bordel, je peux pas dépasser le budget, j'en ai pas. J'ai fait des mesures à faire et maintenant je trouve ça un petit peu difficile. C'est parti, mon concours de rire complètement bidon, ça fait CPAM, DMX toujours subtil. Non, je plaisante, je sais.